Les Centaures, quatrième partie. À une journée de galop, au nord des Roches Rouges, on aperçoit l'île des Tritons, séparée de la côte par un bras de mer guéable aux plus basses marées. Au gros temps du large, l'île oppose une haute barrière de granit. Les goélands ont bâti leur nid sur les cimes les plus escarpées. Du côté de la terre s'ouvre une baie paisible. Les vagues y meurent doucement sur le sable fin. C'est le refuge préféré des fils de la mer. C'est là qu'ils viennent se reposer après leur folle partie de nage. La grève est couverte d'algues marines, de méduses mortes, de varechs, d'arêtes à demi rongées, de carapaces de crabes et de coquillages vidés. Une âcre odeur de poisson pourri et de saumure remplit l'air. Aujourd'hui, toute la tribu aux mains palmées est réunie. En s'aidant maladroitement de leurs membres courts et de leurs queues, les tritons ont rampé par soubresauts depuis le bassin aux eaux assoupies et ont gagné l'ombre des rochers qui l'encadrent. Leurs corps jaunâtres sont paresseusement allongés. Au milieu des faces polies reluisent leurs yeux d'émeraude. À côté d'eux, les sirènes sont éparses, quelques-unes dorment. D'autres, appuyées sur leurs coudes, surveillent de loin les jeux de leurs petits. Turbulents et criards, tritonneaux et tritonnettes frétillent sur le sable jonché de débris. Et, sous les pierres à fleurs d'eau, ils dénichent les tourteaux, les oursins, les poissons de roche, et ils se les disputent à grand bruit. Accroupie dans la vase, Glusk, la vieille sirène, tient dans ses bras le petit Flôme qui se débat la face violette. Vorace, il a voulu d'un seul coup avaler une sèche. Les tentacules de la bête sont restés dans son gosier. Il étouffe. Grave, la vieille lui introduit dans la bouche ses doigts crochus pour en retirer le poulpe. À les voir ainsi, paresseux et lourds, nul ne soupçonnerait l'agilité des tritons quand, enivrés de vent et de mer, ils chevauchent les tempêtes. C'est que leur humeur inégale se complaît tour à tour pareillement à l'inertie et à l'exaltation démente. Pendant 3 jours, le vent d'ouest a soufflé. Gonflée et hurlante, la mer écrasait le rivage de ses vagues déchaînées. Pendant 3 jours, tritons et sirènes se sont grisés de vie furieuse. Avec des gargouillis de plaisir, tous pêle-mêle se sont précipités dans les flots. Adroits et souples, ils franchissent les brisants, gagnent le large en quelques brassées. Leurs torses ruisselants surgissent au-dessus des eaux et s'enfoncent tour à tour. Quand ils sont assez éloignés du rivage, ils cessent de lutter et, paresseusement, s'abandonnent au galop des lames qui les balancent sur leur dos monstrueux. Peu à peu, les montagnes glauques se soulèvent, s'amincissent et les corps allongés se profilent dans leur transparence. Bientôt, emportée par son élan, succombant à son poids, la masse liquide se recourbe, s'infléchit, se couronne d'écume. Au moment où elle va déferler, les faces plates des tritons ricanent au sommet et, tous ensemble, jettent un cri de joie sauvage qui domine le tumulte des eaux. Et puis la vague s'écroule, dans le tourbillon leurs queues étincelles. Il semble que leurs corps vont se fracasser sur les rochers. Avec une adresse incroyable, ils glissent, plongent, s'enfuient. Au-delà des brisants, reparaissent leurs bustes visqueux. Ils rient aux éclats. Sur la vague prochaine, recommence le même jeu. Surtout, le charme des sirènes est incomparable, multiple et mystérieux. Semblables à des fleurs, elles se laissent bercer nonchalantes à la surface des flots. Un chant monotone et doux s'échappe de leurs lèvres. leurs cheveux palpitent autour d'elles. Leur splendeur de nacre et d'argent s'embrase sous les feux du soleil, illumine la masse mobile des eaux. Et, tout à coup, d'un souple coup de rein, elles se redressent. Au-dessus de la transparence verte, elles érigent leurs têtes étranges, leurs torses minces, leurs chevelures et leurs bras ruisselants. Un instant, elles apparaissent, reines merveilleuses de l'océan, et puis elles s'engloutissent jusqu'à ce qu'un peu plus loin, de nouveau, la mer flamboie et chante, et que leurs corps onduleux reluisent et se dérobent tour à tour dans la houle. Quelquefois, par un caprice, elles se plaisent à remonter les rivières en faisant bruire les eaux sous les coups répétés de leur queue. Et puis, à l'abri des saules, parmi les roseaux, elles se blottissent et célèbrent en chœur la beauté ondoyante de la mer. Et, sournoises, elles s'amusent à voir ramper sous les feuillages les faunes qu'attirent leur voix mélodieuse. Aiguillonnés par la curiosité et le désir, ils s'avancent à pas étouffés et, tout à coup, apparaissent leurs têtes cornues. Alors, avec de grands cris et des rires, les sirènes se précipitent dans l'eau, la font rejaillir autour d'elles. En deux coups de queue, elles sont hors d'atteinte et narguent la convoitise déçue de Pirippe. Mais souvent, quand il s'est éloigné, les nageuses retournent au rivage pour s'y reposer avant de regagner le large. Et alors, il est arrivé que Pirippe, rusé, a eu sa revanche. Plus d'une fois, les dormeuses ont été surprises par lui sur un lit de mousse et elles n'ont pas échappé à son étreinte lascive. Mais de ces aventures, on ne parle pas. Au sortir des bras du faune, les sirènes se sont purifiées au sein des ondes dont le ruissellement a chassé le souvenir de leur esprit mobile. Et Pirippe ne s'est pas vanté de sa bonne fortune qui l'a laissé déçu et honteux. Car les chairs qui l'ont fasciné par leur forme admirable et leur scintillement ont une odeur saumâtre de marée et glissent poisseuses sous les caresses. Mais aujourd'hui, fatigués, les tritons et leurs femelles restent vautrés sur le sable. Un grondement réprime de temps en temps la turbulence des tritonneaux. Et puis, de nouveau, c'est le silence parmi le peuple aux mains palmées. La vieille glousque jette un cri aigre d'avertissement. « Voyez !» Paresseusement, les dormeurs soulèvent leurs têtes et, aussitôt réveillés tout à fait, ils s'agitent avec des exclamations. À l'entrée de la baie, voici des torses qui ne sont point ceux de leur peuple. Du premier coup d'œil, les centaures sont reconnus. Avec des rires, des battements de mains et des efforts comiques de tout le corps, les tritons se démènent sur la grève. Valvor, le premier, plonge et, bousculant la marmaille qui patauge autour de lui, s'élance à la rencontre des dominateurs avec des saluts de bienvenue. Gurgundo, Paflongix et Oyotoro le suivent en gambadant et en criant de toutes leurs forces. En signe de joie, Plax bondit hors de l'eau, exécute un tour sur lui-même et retombe en éclaboussant. Curieuses, les sirènes dardent leurs yeux verts sur les nageurs et, malgré la gaucherie de leurs gestes, elles s'exclament et admirent leur stature puissante. Exaltés, les tritonneaux glapissent tous à la fois et tendent aux arrivants les crabes qui grouillent dans leurs petits poings visqueux. Un peu essoufflés, Clévorac, Arc, Urico, Trègle Gris et Cadilda prennent pied, font quelques pas et se secouent. Les tritons les suivent et s'assaient à côté d'eux, leur cœur replié. Coquettes, les femelles demeurent à demi cachées dans l'eau, étendues et comme somnolentes. Mais elles écoutent l'entretien et, de temps en temps, font jaillir un éclair de leurs prunelles glauques. et Arc et Treg, distraits, laissent quelquefois aller leurs regards vers la splendeur voilée de leur corps souple aux écailles magiques. Pour ne point humilier ses hôtes, Clévorax s'est accroupi sur le sable. Autour de lui sont Gurgundo, Borborum, Flanknor, Paflongix et Oyotoro. Les autres se pressent derrière eux. Sans perdre de temps, le chef expose le but de sa visite. Et d'abord il énonce quelle catastrophe s'est abattue sur son peuple et comment, s'il ne supplée à la disette, seule la mort des anciens donnera à la tribu le moyen de subsister. De bruyants sanglots clapotent parmi les tritons. La race de Gurgundo est prompte à s'émouvoir et plus prompte à oublier. Avec de grands gestes, ils posent leurs mains palmées sur les bras du chef et protestent de leur amitié. Ils tiendront à honneur de pourvoir eux-mêmes aux besoins de leurs frères. Tous les jours, s'il le faut, ils leur feront part de la moitié de leur pêche. C'est un flux de discours et d'exclamations ponctué par des claques sonores. Quand s'est écoulé le flot bavard, Clévorac reprend. Les centaures ne sauraient se nourrir d'algues et de poissons, mais peut-être leurs frères marins leur viendront en aide autrement. Ils ont visité la terre lointaine où s'élève la montagne fumante. Les centaures n'y trouveraient-ils point la nourriture qu'il leur faut ? Gurgundo se frappe la poitrine des deux mains et gonfle ses joues. À l'envie, ses frères l'imitent. Leur vanité est exaltée de ce que les animaux rois recourent à eux. Certes, ils connaissent toutes les terres et toutes les mers. Ils ont remonté les rivières jusqu'à leurs sources et ont nagé beaucoup plus loin que l'horizon. Ils ont approché de rivages couleur de sang, livré bataille à des crocodiles, mis en fuite des chauves-souris géantes. Ils connaissent le détail de tout ce qui est et rien ne peut échapper à leur clairvoyance. Tous à la fois, ils s'interpellent, s'interrompent, reprennent leur récit avec des éclats de rire. Entre Paflongix et Borborum, il y a émulation à qui couvrira la voix de l'autre. Les sirènes mêlent leurs accents plus aigus au brouhaha. Excités, les tritonaux braillent à l'envi et vantent leurs exploits dans la vase. Clévorac attend un instant de silence et reprend. Que savent les tritons de la terre lointaine ? Contient-elle des arbres fruitiers ? Les tritons y ont-ils aperçu la feuille découpée et sombre du reiki ? Pensent-ils que, à la nage, les centaures seraient capables d'atteindre l'autre rive ? Les yeux verts à demi clos, les lèvres pendantes, Gurgundo, Borborum et Paflongix ne répondent pas. Malgré leur bonne volonté, leurs pensées mobiles se dérobent et errent à l'aventure. Pourquoi les centaures ne goûteraient-ils pas le hareng crevé ? S'ils vivaient dans l'eau, ils ne connaîtraient point le froid. N'auraient-ils pas pour agréable de voir leurs frères aux mains palmées lutter à la course dans le bassin limpide ? Ou peut-être ils préféreraient les entendre souffler tous à la fois dans leur conque ? Incohérentes et saugrenues, les paroles du peuple aquatique s'entremêlent au hasard. Clévorac soupire et se lève découragé. Il n'obtiendra rien de Gurgundo. Son esprit est plus tumultueux, sa langue plus loquace que la mer. Mais Cadilda s'obstine. S'il faut renoncer au dernier espoir, demain Clévorac remettra la massue au bras de Arc. Elle prend Valvor à part, lui parle doucement, l'interroge, presse ses mains flasques dans les siennes. Bouche bée, le triton réfléchit, s'évertue, et tout à coup, il entrechoque ses paumes. La lumière s'est faite en son esprit. Certes, oui, au cours de l'été, il a nagé jusqu'à la terre lointaine. Et quand il se reposait sur ses plages, il admirait la richesse des bois qui la couvrent. Et tour à tour, en termes précis, comme si les paysages vivaient encore devant ses yeux, Il décrit le feuillage luisant de l'oranger, la pâleur poudreuse de l'olivier, la stature puissante des chênes et des champs entiers de réki à la feuille sombre et découpée. Et, à mesure qu'il parle, voici que les autres se souviennent. Et, l'un après l'autre, ils disent ce qu'ils ont remarqué. Et comme ils voient la joie illuminer les visages des centaures, leurs âmes bienveillantes se réjouissent elles aussi. Leur mémoire s'aiguise et ils redoublent d'explications. Mais une question est grave. Gurgundo, Valvor, Oyotoro connaissent leurs frères aussi membres. Ils savent qu'ils sont médiocres nageurs. Les centaures auront-ils la force d'atteindre le rivage de l'autre côté de la mer salée? Gurgundo écarquille ses prunelles. Pourquoi les centaures quitteraient-ils les roches rouges? Un murmure d'étonnement passe parmi le peuple humide. L'impatience fouette le sang des animaux rois. Mais il s'agit de la vie ou de la mort. Clévorac explique de nouveau. Tous écoutent attentivement. Cette fois, ils ont compris. Un grand chagrin plisse les joues, abaisse les coins des larges bouches. Quoi? Les tritons auront-ils à vivre loin de leurs protecteurs? Tous ensemble, ils se lamentent et geignent. Clévorac opine. Pourquoi le peuple aux mains palmées n'accompagnerait-il point les centaures? Les tritons s'entre-regardent, et soudain une folie de joie les exalte, se communique de l'un à l'autre, soulève tous les corps en cabriole comique, tire des gosiers des gargouillements de plaisir. Mais oui, ils partiront, ils serviront de guides à leurs frères, ils soutiendront leur nage chancelante. Depuis la chute des pluies diluviennes, la mer a mauvais goût et le poisson se fait rare. Dans les parages de la terre lointaine, ils trouveront sans peine un refuge cent fois préférable, des eaux plus saines, un gibier plus abondant. Si les centaures pourront traverser à la nage le détroit, rien de plus aisé. À mi-route, un îlot sablonneux leur servira de halte. Gurgundo connaît les marées, les courants, les quartiers de la lune et les vents. Il choisira le jour et l'heure propice. À l'envi, les corps visqueux se trémoussent et les paumes s'entrechoquent. L'idée du prochain départ met les âmes en liesse. Et tous s'étonnent qu'ils aient pu si longtemps demeurer sur cette côte stérile, loin des merveilles de la terre bienheureuse. Clévorac et Gurgundo se concertent. Pénétré de la grandeur de sa tâche, le triton médite profondément. Calcule sur ses doigts réunis par des pots, regarde tour à tour l'aspect des nuages, le midi et l'occident. Enfin, il parle. À la troisième aurore, toute la tribu marine sera en face des grottes rouges, prête à guider ses illustres frères. Plusieurs fois, Clévorac et Gurgundo répètent à leur tour les mêmes mots. Ils se sont compris. Les centaures se remettent à la nage. Autour d'eux, les tritons s'ébattent. Des queues, des torses, des bras et des têtes pointent et disparaissent avec une rapidité vertigineuse. Bientôt, les dominateurs reprennent pied, serrent dans leurs mains les mains gluantes. Et puis, secouant leurs chevelures, ils se lancent au galop sur la plage. Quelque temps, les clameurs des fils de la mer les accompagnent le long du rivage. Mais leur allure est trop rapide. Bientôt, les tritons sont distancés. Tout en poursuivant leur course, les animaux rois révisent en eux-mêmes les assurances de Gurgundo. Quand leurs esprits envisagent l'avenir, ils s'effraient de la traversée redoutable et de la terre inconnue. Mais quand ils regardent le passé, ils se réjouissent du meurtre évité et l'espoir renaît dans leur cœur. Et parce que, trop longtemps, ils sont demeurés concentrés dans des pensées épuisantes, ils chassent loin d'eux les préoccupations et s'envolent insoucieux, les cheveux au vent, l'âme sereine, dédaigneux d'hier et de demain, enivrés de l'heure. Demain, à l'aube, les tritons se présenteront devant les roches rouges. À leur appel, les centaures sortiront des grottes et, derrière eux, se jetteront à la mer. Si loin que remonte la tradition, d'étape en étape, les animaux rois ont suivi le soleil, refoulés de l'Orient par la marée envahissante du froid. Aux années riantes et paisibles ont succédé, d'étape en étape, les pluies diluviennes et glaciales, destructrices de toute vie, d'abord destructrices de la racine indispensable, le reiki. À la poursuite de la plante précieuse, les centaures, de génération en génération, ont gagné l'Occident. Aussi, ce n'est point seulement l'horreur du meurtre nécessaire, c'est tout l'instinct de leur race qui les entraîne vers la terre lointaine, qui leur fait envisager avec sérénité l'exode solennel. Joyeux de la décision prise, confiants dans l'avenir, ils passent leur dernière journée à se reposer, à glaner les pousses nouvelles qui, le désastre passé, ont eu le courage de reverdir, à mâcher quelques fruits échappés à l'inondation. Seule Cadilda s'écarte de son peuple et, encore une fois, veut revoir les lieux où elle a vécu depuis sa première enfance, dont son cœur saigne de se séparer. Aussi, dès le lever du soleil, elle quitte les grottes et, suivant la plage, gagne l'embouchure de la rivière aux cygnes qu'elle remonte. Depuis les pluies diluviennes, elle n'est point retournée vers la clairière aux châtaigniers. Or, voici qu'à mesure qu'elle s'en approche, une tristesse plus pénétrante descend sur elle. Ici aussi, la catastrophe a fait son œuvre. Grossie par la chute des eaux, la rivière a débordé et dévasté les bois. Quand elle est rentrée dans son lit, elle a laissé derrière elle un désert limoneux. Sous la fange puante, toute vie est éteinte. À la place des bosquets, des taillis et des passées familières, il n'y a plus qu'une boue sinistre, pétrie de débris végétaux, où, çà et là, se dressent, lamentables, quelques groupes d'arbres dépouillés. La clairière est le même, méconnaissable. Les jeunes fûs ont été arrachés par le torrent. Le vieux tronc a été emporté avec tous les chers trésors qu'il contenait. Si la Vierge ne se rappelait la figure de quelques souches immuables qui ont bravé l'effort des eaux, elle se croirait dans un lieu étranger. Tout le passé est mort. Et Cadilda, dans sa douleur, éprouve une joie amère. Elle ne laissera rien derrière elle de ce qu'elle a aimé. Sans se retourner, elle s'éloigne et s'enfonce dans les bois. L'humidité meurtrière la prend à la gorge. Une odeur de pourriture appesantit l'air. Pourtant, au lieu de regagner la plage, elle dira un dernier adieu aux bêtes qui la chérissent et à ses petits frères les faunes. Mais ses amis ont été en grand nombre victimes de la pluie affreuse. Fous de terreur, ceux qui ont survécu ont pour la plupart fui la forêt inhospitalière. Pourtant, depuis quelques jours, la vie commence à renaître dans les sous-bois. À peine la centauresse a fait quelques pas qu'il y a un grand bruit dans le hallier. Au-dessus des fourrés se lèvent les andouillers d'Axor. Plusieurs biches le suivent. Les museaux tièdes se frottent sur les mains de la Vierge. Quelques lapins bondissent à sa suite. Crouon, qui fouille la vase du groin, la salue d'un grognement. Avec des miaulements de satisfaction, Spire, la panthère, se câline contre ses jambes. Gorgée de cadavres, elle a l'humeur débonnaire. Les mangeurs de chair ont profité du désastre. Jamais il n'y eut tant de mansuétude dans leurs prunelles fendues. Avec d'amicales inflexions de voix, Cadilda passe ses mains sur les dos qui se tendent vers elle, dit adieu à tous. Sans doute, les bêtes ne comprennent point le sens exact de ces paroles, mais quelque chose en arrive à leur intelligence obscure. toutes se pressent contre elle, inquiètes, plus nombreuses à chaque pas. Autour de sa tête voltigent pinsons, mésanges et bouvreuils. Ils se perchent sur les buissons, s'appellent de leur sifflement et, quand elle a passé, s'envolent pour la rejoindre. Sans doute, leurs petites âmes effarées de la catastrophe ont besoin de la protection de la Vierge. À l'approche du camp de Pirippe, l'escorte de Cadilda fait halte et la laisse seule s'avancer. Les faunes, eux aussi, ont vu se dissiper leur premier effroi. Mais la gaieté n'est pas rentrée dans leurs âmes. Oppressés par l'atmosphère humide de la forêt, ils sont occupés tout le jour à chercher malaisément leur nourriture. Quand ils voient Cadilda, Pirippe pousse un cri de joie et accourt vers elle. Depuis leur rencontre dans la clairière au châtaignier, une amitié est née entre le faune et la centauresse blanche. Ensemble, ils se souviennent des écorchés et ont des entretiens qui étonneraient tout autre. Quand la Vierge a annoncé l'émigration de son peuple, la face de Pirippe est devenue terreuse et ses mains se sont mises à trembler. Que deviendra-t-il loin de ses illustres frères? Comment les pieds de chèvre fouleront-ils les forêts privées de leurs protecteurs? Plusieurs fois, il s'est fait répéter les paroles de Gurgundo et quel jour les dominateurs affronteront les flots salés. Aussi, quand Cadilda l'aperçoit, elle s'afflige et se réjouit du discours qu'il va tenir. Car le chagrin de Pirippe d'avance la peine à la fois et la console. Il est doux qu'un ami souffre pour nous. Mais, contre l'attente de la Vierge, le visage du capripède ne reflète nulle tristesse. A-t-il donc oublié ce qu'apportera demain? Avec une sorte d'indifférence, il écoute l'adieu de la centauresse et brièvement lui dit adieu. C'est comme si son esprit était absent, occupé d'une pensée étrangère qui, de temps en temps, met une lueur dans son œil brun. Le cœur serré, Cadilda s'éloigne. Les faunillons tapotent gaiement ses jambes, qu'elle soulève avec précaution pour ne pas les bousculer. Les faunets se répondent à peine aux signes qu'elle leur envoie. Au moment où elle va s'enfoncer derrière les lauriers, elle jette encore un coup d'œil en arrière, et son cœur se serre. Sur l'herbe, Pirippe exécute une cabriole, et les faunillons cabriolent autour de lui. Est-ce bien là toute la tendresse des frères cornus? Mais les bêtes se pressent de nouveau autour de Cadilda et ne la quittent pas tout le temps qu'elle chemine à travers la forêt dévastée. Quand les pins s'espacent et que, sous le soleil couchant, la mer étincelle, elle s'arrête. Car elle n'ose pas sur la plage se mêler à la horde joviale des centaures. Cadilda les caresse l'une après l'autre et s'éloigne. Leurs yeux la suivent. Et elle est loin déjà qu'elle entend encore le cerf bramer et les miaulements lamentables de Spire. Les centaures sont couchés sur le sable et, pour la dernière fois, dans une gloire étrange, regardent le soleil s'enfoncer derrière la terre lointaine. Au midi, au nord et à l'orient, une voûte de nuages noirs opprime tout ce qui vit. Si proche que les cimes des arbres semblent se courber sous sa masse. Mais l'astre éclatant descend au milieu d'une splendeur rose, bleue et mauve. Et les centaures sentent leur cœur tressaillir. Au soir de demain, leurs pieds fouleront peut-être l'autre continent. Leurs poitrines oppressées de froid et d'humidité respireront peut-être l'atmosphère légère, mauve, bleue et rose, attiédie des rayons merveilleux. Peut-être. C'est que les dominateurs mesurent le long espace de la mer clapotante. Très doucement, les vagues mauves succèdent aux vagues d'argent. Il en vient d'autres et puis d'autres encore. Demain, tout le jour durant, il faudra lutter contre la force profonde de la mer. Et la pensée de l'effort rend grave les plus courageux. Mais on ne meurt qu'une fois. Nul n'est maître du destin. Ce ne sera point la crainte du péril qui troublera le sommeil des animaux rois. Le soleil s'éteint. Plus noir, l'effroyable voûte s'abaisse davantage. Ne va-t-elle pas écraser les têtes elles-mêmes des centaures? Un vent de neige souffle de la terre. Tout est sinistre. Mais, sur un signe de Clévorac, Urico porte à ses lèvres la conque magique. Le mugissement déchire les ténèbres qui s'appesantissent, et, guidée par une mémoire infaillible, la voix de la vieille entonne les strophes du départ qui n'ont pas vibré depuis une génération. Et, quand elle se tait, tous se lèvent, tendent les bras, et, d'une seule invocation qui troue la nuit, ils appellent à leur aide la force sublime du soleil, père de toute vie.